Perte et gain, histoire d'un converti. Note C, le Prayer Book. Livre de prière, est un recueil qui renferme les prières du matin et du soir, le service de la scène, les règles liturgiques pour le baptême, la confirmation et le mariage, un catéchisme anglican et les 39 articles. C'est sous Charles II que l'usage de ce livre, dans sa forme actuelle, fut ordonné par la Convocation, Grand Conseil ecclésiastique. Le Parlement l'a enregistré dans ses actes. Aux yeux des Anglicans purs, le Prayer Book est une autorité, c'est l'enseignement même de l'Église. Mais les esprits qui sont conséquents avec le principe du jugement privé demandent sur quoi l'on s'appuie pour donner une si grande valeur à ce livre. Les questions que ceux-ci soulèvent sur ce point ne sont pas faciles à résoudre, disons mieux, elles sont insolubles. Voyez la lettre de Froude à Monsieur Keble, et le Prayer Book comme la Bible elle-même, est un livre que chacun interprète à sa façon. Markendanarchive.org, 2023 d'après Gallica BNF-FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.